Bonjour tout le monde, donc merci de cette invitation. Je suis la dernière instrument. Donc je suis Hamid Bozastan, je suis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Je suis docteur en histoire et en sciences politiques. Je travaille entre autres sur la question kurde, mais depuis 15 années, l'essentiel de mes travaux porte sur la question de la violence au Moyen-Orient, au 19e et au 20e siècle. Est-ce que vous entendez au fond avec moi? Non. Non, hein. Non. Voilà, mais c'est ça aussi quand on se met au fond. Il faut bien qu'il y en ait, mais peut-être qu'il va falloir. On n'a pas de micro ni rien ici. D'accord, donc est-ce que maintenant vous m'entendez un peu mieux? Oui. Donc je vais essayer de parler sur un... je vais garder effectivement ce thème de voix. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la violence au Moyen-Orient qui me préoccupe depuis une quinzaine d'années maintenant, mais plus de la question kurde, une question qui est extrêmement complexe parce que d'un côté, on a une question kurde dans quatre États, quatre pays, l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie. Et de l'autre côté, c'est une seule question transfrontalière, donc à la fois une dimension interne et une dimension qu'on peut définir comme transfrontalière. Pour commencer, je ferai deux propos préliminaires. Le premier, c'est que je dirais que la lutte kurde ou la question kurde porte essentiellement, ou peut être définie essentiellement, comme le refus des Kurdes de rejeter le statut de minorité qui leur a été imposé. Et en deuxième lieu, cette lutte porte sur le refus des frontières qui divisent l'espace kurde. Donc je commencerai par le premier point. On dit que les Kurdes sont une minorité de 30 millions d'habitants. Et cet énoncé, en soi, sont extrêmement étranges. Et pour la plupart des Kurdes, cela ne fait aucun sens. Ils ne sont pas une minorité, mais au contraire, ils sont de loin la majorité écrasante dans les territoires qu'ils occupent. Et ils disent qu'effectivement, s'ils se sont trouvés en situation minoritaire, la raison, c'est que le Kurdistan a été divisé, d'abord au XVIe siècle, entre deux empires, l'Empire persan et l'Empire ottoman. Et puis, après l'effondrement de l'Empire ottoman en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, le pays a été de nouveau divisé, cette fois-ci entre la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, et l'Irak et la Syrie, deux États qui ont été créés par la France et la Grande-Bretagne à la suite des négociations diplomatiques, sans que la population soit consultée. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, l'une des clés de lecture de la crise irakienne et syrienne se trouve effectivement dans le fait que ces États ont été créés, non pas ab nihilo, mais tout de même de manière extrêmement arbitraire à la fin de la guerre. Donc, une objection forte, nous ne sommes pas une minorité, nous en avons été divisés. Malgré cela, cette objection que je comprends parfaitement, je définirais les Kurdes comme une minorité. La raison est que, dans ma conception des choses, le terme minorité et le terme majorité ne renvoient pas aux données démographiques, mais bien aux données ou à la donne politique et juridique. Et c'est parce qu'il y a une communauté ou un groupe qui se définit ou est défini comme majorité que les autres se trouvent en situation de minorité. On peut parler d'un processus de minorisation, et ce processus de minorisation n'est absolument pas indépendant du processus de construction de pouvoir, de la nature des entités étatiques qui se dotent d'une identité linguistique ou confessionnelle et qui réduisent les autres en statut de minorité. Ainsi, ils départagent les appartenances en appartenances légitimes et illégitimes. Et parler des minorités ne signifie pas seulement d'évoquer une communauté numériquement faible, mais c'est aussi de parler de la dialectique de l'inclusion et d'exclusion, de classement et de déclassement, de qualification et de disqualification, des appartenances ethniques, linguistiques et confessionnelles. Et partant, on peut dire aussi que les domaines d'interdit, des allégeances interdites, des appartenances interdites et les allégeances et appartenances officielles sont déterminés par ces logiques de construction d'État. Et on sait aussi que, dans certains cas, des communautés de loin de majoritaires peuvent se trouver en situation de minorité. Je donnerai deux exemples. Les sunnites, les chiites en Irak sous Saddam Hussein représentaient 65% de la population, mais se trouvaient réduites en une minorité. Ou les sunnites en Syrie, qui représentent quelques 80% de la population, se trouvent réduites en situation de minorité, puisqu'ils ne détiennent pas le pouvoir. Et il faudrait aussi dire que lorsque on parle de la minorité et de la majorité, on parle de la subjectivation et de l'objectivation. Le groupe ou le pouvoir qui représente le soi de la soi-disant majorité ne détient pas seulement le droit de dire qui il est, je suis le Turc, je suis l'État turc, mais aussi qui est la minorité. Et on sait que, systématiquement, les minorités sont discriminées, incriminées. On les accuse d'être des groupes arriérés, on les accuse d'être des groupes représentant des identités anachroniques, voire des identités, dans certains cas, contre-révolutionnaires. Ce terme a été utilisé en Bretagne, mais a été utilisé aussi au Moyen-Orient, en Turquie. On a défini, on sait que l'abbé Grégoire qui disait que le breton était une langue féodale, on sait qu'au Moyen-Orient, on a pu dire que les Kurdes représentaient une ethnie féodale et le Kurde était la langue de la féodalité. Et donc, systématiquement, la définition d'un groupe comme une minorité renvoie à quelque chose qui est péjoratif ou négatif. Ce n'est que, je dirais, au cours des 25-30 dernières années que les minorités ont été réhabilitées comme des composantes légitimes des espaces étatiques, mais cela ne fut pas toujours le cas. Et pour les Kurdes, la lutte consiste à sortir de ce statut de minorité pour devenir une majorité. Devenir une majorité, pas nécessairement en construisant leur État, même s'il y a également ce projet, mais d'avoir l'égalité juridique, politique, administrative, culturelle avec le groupe qui détient l'État. En deuxième lieu, je dirais que la lutte kurde, et effectivement cette lutte donc de devenir majorité, signifie aussi se battre pour avoir sa propre histoire, sa propre vision de l'histoire, interpréter son passé, se projeter dans l'avenir, dire qu'est-ce que la culture kurde est. Donc, effectivement, sortir du statut de minorité a des implications considérables. Lorsqu'on parle de la transformation des minorités en majorité, on parle souvent en termes d'État, de construction d'État. Dans les faits, ce n'est pas uniquement ça. Dans les faits, cela a des conséquences en cascade sur un ensemble de domaines. En deuxième lieu, la lutte kurde fut une lutte longue. Je dirais que, bon, depuis les années 1920, mis à part quelques périodes exceptionnelles, le Kurdistan a connu une lutte armée. Et derrière cette lutte armée, il y a eu, pour l'essentiel, le refus des frontières. Cette lutte armée a été très lourde en termes de bilan humain et matériel. Dans les années 1920-1940, on a des dizaines de révoltes qui sont écrasés. Chaque fois, il y a des milliers de morts. Et depuis, de 1961 à 1975, il y a de nouveau une révolte kurde. Et à partir de 1979-80, tout l'espace kurde est pratiquement est en mouvement, en contestation. Et le conflit, ce qu'on appelle le conflit kurde des années 1980-90, a fait quelques 250 000 morts. Donc voilà, c'est un conflit extrêmement meurtrier. vous avez beaucoup de luttes minoritaires ou de nations opprimées à travers le monde, mais là, on a un conflit qui est à la fois très long, ancré dans la durée, et un conflit qui est, comme j'ai dit, donc très meurtrier. Et dans les années 1920 et 1930, les oppositions kurdes sont multiples. Une partie des Kurdes se bat, non pas nécessairement pour créer un État kurde, mais contre l'État central. L'autre partie des Kurdes se bat déjà pour la construction d'un État kurde avec une idéologie qu'on peut définir comme nationaliste ou nationale et qui invente un agenda kurdiste avec une histoire sur laquelle je reviendrai, avec des mythes fondateurs, avec avec un ensemble de symboles d'unification. Et cette lutte peut prendre de multiples formes. La contrebande. Pour les Kurdes, traverser la frontière avec 2 kilos de tabac ne relève tout simplement pas de la contrebande, c'est tout simplement le maintien des liens familiaux ou les liens de sociabilité, les liens d'amitié avec les Kurdes qui sont restés de l'autre côté de la frontière. Pour l'État, au contraire, les frontières sont sacralisées, les frontières sont militarisées. Traverser les frontières sans avoir un passeport relève non seulement d'un crime passible de peine lourde, mais traverser la frontière avec des biens économiques relève purement et simplement de la contrebande. Et en face de cette logique de l'État, qu'est-ce que les Kurdes font ? Ils militarisent leurs pratiques commerciales et donc prennent des armes contre l'État. Le défi lancé à la frontière, c'est un défi aussi qui consiste à faire circuler les produits culturels. Dans beaucoup de pays, notamment en Turquie, le Kurde est interdit. Qu'est-ce qu'on fait ? On produit de la littérature au Liban, en Kurde, et cette littérature circule. On imprime des disques, et ces disques circulent. Et par ce biais-là, on essaye de maintenir une unité ad minima qui, à la fois, est obligée de prendre en compte l'existence des frontières, mais qui les dépasse aussi. Et puis, il y a une transhumance militaire. Chaque fois qu'il y a une révolte kurde, cette révolte devient ipso facto une révolte transfrontalière. Vous pouvez avoir une contestation, par exemple, au Kurdistan d'Irak. Les Kurdes iraniens sont d'une manière ou d'une autre impliqués. Vous pouvez avoir une proclamation d'une république autonome en Iran qui a duré en 1946 durant 11 mois. Eh bien, il y a 10 000 Kurdes d'Irak qui viennent avec leurs armes. Et par ce biais-là, on a l'impression qu'effectivement, il y a une mobilité constante, une transhumance militaire constante qui se met en place, qui n'empêche pas les conflits internes aux Kurdes, je reviendrai sur ces conflits, mais en même temps, qui permet au groupe de dépasser, de dépasser les frontières qui lui sont imposées, qui lui ont été imposées, pour pouvoir se doter d'une réalité. Et on sait que durant cette période-là, les combattants kurdes gagnent une réelle présence symbolique dans le récit national kurde, mais aussi dans l'imaginaire. On invente des mots, comme Peshmerga, par exemple, qui veut dire ceux qui vont au-devant de la mort. Par la suite, le terme de guerrillero fait son entrée, qui est également sacralisé. Donc ces figures-là deviennent les figures mythiques et symboliques des Kurdes. Mais la lutte armée n'est pas la seule lutte. Il y a aussi d'autres formes de lutte qui interviennent. Ces luttes-là portent autour de l'histoire. Très rapidement, dès les années 1920 et 30, on dote le Kurdistan d'une seule historiographie, d'un seul récit historique. Le passé est interprété, réinterprété. Chaque nation du Moyen-Orient s'attache à un empire. Les écrivains kurdes attachent la kurdicité également à un empire. qu'est l'Empire des Mèdes, puisqu'il faut avoir une place noble dans l'histoire. Et par la suite, l'histoire kurde est lue, interprétée comme l'histoire des principautés indépendantes qui ont existé cette fois-ci entre le 13e, le 11e et le 19e siècle, comme la lutte, des luttes incessantes pour l'indépendance, et comme les défaites, mais les défaites qui sont prometteuses des victoires à venir. De la même manière, on invente une cartographie kurde. Le pays est divisé, sans autonomie aucune. Il y a des frontières qui séparent le pays, mais en même temps, symboliquement, par la cartographie, on réunifie le Kurdistan. Et cette cartographie, effectivement, est maintenue jusqu'à aujourd'hui comme la carte imaginaire du Kurdistan, mais aussi la carte réelle, car les transhumances militaires se déroulent précisément au sein de des frontières déterminées par cette carte. De la même manière, on invente un panthéon, le panthéon kurde. À la fois les anciens leaders kurdes, mais surtout les leaders kurdes de 19e et 20e siècle qui ont été tués, notamment dans la lutte armée ou d'autres, sont intégrés dans ce panthéon. Il y a, de la même manière, un hymne national qui voit le jour dès les années 40 et qui est très largement accepté par l'ensemble des Kurdes. Et donc, vous voyez un mouvement d'unification. D'un mouvement d'unification qui va à l'encontre de l'autre mouvement, qui est le mouvement de sédimentation, le mouvement de division. Le mouvement de division est très net, car ne serait-ce que pour se scolariser, il faut aller à une école turque, à une école arabe, à une école persane. Pour aggraver la situation, dès 1928, la Turquie change d'alphabet, passe à l'alphabet latin, et du coup, la communication interne des Kurdes est désormais rompue, car l'écrit ne permet plus d'assurer une communication interne. Chaque pays a une culture politique très différente. La Turquie connaît sa trajectoire historique, a d'autres interdits, a d'autres façons, connaît une dictature dans les années 1920 et 30. Par la suite, il y a un passage au pluralisme politique. L'Iran connaît la monarchie. Par la suite, une révolution islamique. L'Irak et la Syrie connaissent des périodes de troubles. Par la suite, une longue période de dictature. Et donc, les Kurdes n'ont pas d'autre solution que de se positionner par rapport à ces régimes qui existent et qui produisent des effets extrêmement concrets. Et on s'initie au monde à partir de quelle langue? Inévitablement, à partir du turc, à partir de l'arabe ou à partir de persan, car il n'y a pas de possibilité de produire, disons, une littérature scientifique ou une littérature tout court en kurde, car produire de la littérature en kurde relève, mis à part en Irak pour une période, d'une activité clandestine. Donc vous voyez que d'un côté, effectivement, il y a une dynamique d'unification qui passe par le refus des frontières, et de l'autre côté, une dynamique de division qui est bel et bien là et qui produit des différenciations internes en Syrie. Et plus la militarisation des frontières produit ses effets, plus la scolarisation produit ses effets, à la limite je dirais que la scolarisation a eu un impact beaucoup plus important que la militarisation des frontières, plus le groupe kurde se différencie. Mais plus il se différencie, plus il ressent le besoin de s'attacher à des valeurs qui ne sont pas celles de la majorité, celles de l'État dont on dépend, mais qui déterminent la kurdicité. Ainsi, chaque révolte, comme j'ai dit, devient une révolte kurde dans son ensemble, et on s'attache à cette révolte-là comme le dernier moment d'une lutte pour l'émancipation nationale. Ce qui explique pourquoi la kurdicité qui aurait pu disparaître se maintient malgré tout. Et ce qui est aussi extrêmement important de souligner, c'est que jusqu'aux années 1960, jusqu'à la fin des années 1950 plutôt, ce mouvement n'est pas nécessairement pris en charge, ce mouvement d'unification n'est pas nécessairement pris en charge par une organisation, par un parti politique, par un front kurde qui existerait. Et la raison est très simple, car chaque organisation est plus ou moins liée à la mise en place d'un mouvement de révolte. Quand la révolte disparaît, l'organisation disparaît aussi, ou perd en grande partie de son poids. Il y a une décapitation de l'intelligentsia, notamment en Turquie, qui est absolument effrayante. Donc il n'y a pas une quelconque coordination. Les organisations durables au sein de l'espace kurde ne verront le jour qu'à partir de 1958. Il n'en reste pas moins que la spontanéité ou la prise en charge par des individus, par des familles, par des groupes de solidarité, dans certains cas par des religieux, dans d'autres cas par les chanteurs, permet cette unification. Et dans cette unification, ce qui est extrêmement important aussi, et c'est là que les chanteurs populaires, les bardes, jouent un rôle très très important, les récits circulent et il y a la cartographie imaginaire du Kurdistan se remplit aussi d'une cartographie de résistance et on sait que telle ou telle ville, tel ou tel épisode est devenu un épisode de lutte extrêmement important pour l'ensemble de Kurdistan. Et cette unification symbolique passe aussi graduellement par le surinvestissement d'un moment qui est le moment de Newroz. Newroz, le 21 mars, le début du nouvel an, et le Newroz est, à vrai dire, largement célébré en Asie centrale, largement célébré aussi en Afghanistan et en Iran. Le Newroz n'est absolument pas spécifiquement kurde, mais dans le cas kurde, le Newroz se politise, devient non seulement le nouvel an, le jour de l'an, mais devient aussi le moment de renaissance, le moment à haute densité politique, à haute densité mobilisationnelle. La préparation de Newroz commence très souvent en février et les célébrations continuent pratiquement jusqu'à avril, mi-avril. Et que signifie le Newroz, le nouveau jour? Pour les Kurdes, cette politisation renvoie à l'idée que les Kurdes, par le passé, avaient été réduits en esclaves et avaient été dominés par un tyran, Dahak, lequel décimait la nation, et a émergé un forgeron, Kawa, donc il ne faisait absolument pas partie des dignitaires, un forgeron, donc un homme du peuple, qui a organisé la résistance et qui a renversé le tyran en réalisant l'émancipation des Kurdes. Et l'idée de cette révolte, donc, qui regroupe à la fois la résistance, l'autosacrifice de soi, puisque le feu est extrêmement important dans les célébrations de Newroz, et le feu, comme vous savez, c'est à la fois sacrificiel, autosacrificiel et purificateur. Donc résistance, autosacrifice et délivrance. Ces trois éléments font qu'effectivement, la lutte kurde a pu infiniment plus que les autres, que les Iraniens ou les centra-asiatiques, politiser ce moment de névrose pour le transformer en un moment de défi, en un moment clé du calendrier proprement kurde. Comme j'ai dit, vous avez l'hymne national, vous avez le récit, vous avez le panthéon, vous avez la carte, et à cela s'ajoute aussi ce moment extrêmement dense de mobilisation qui est la mobilisation autour de Newroz. Et à cela, il faudrait aussi ajouter le drapeau turc, là encore un symbole qui a été inventé dans les années 1920 ou dans les années 1930 et qui est très largement partagé, y compris aujourd'hui, par l'ensemble de la population kurde. Et graduellement, de cette unification, on passe à la formation d'un espace politique kurde transfrontalier. Comme j'ai dit au début, on a des mouvements spontanés, pris en charge par vraiment monsieur de la rue, n'importe qui, les bardes, les contrebandiers, les religieux, les quelques intellectuels qui restent, les familles. Mais à partir des années 1960, on passe à un niveau infiniment plus important qui est un niveau organisationnel. Et ce niveau organisationnel se traduit par le fait que dans chaque partie du Kurdistan, on a d'une part des organisations politiques qui se mettent en place. Et ces organisations politiques sont des organisations durables. Par exemple, le PKK, dont on entend beaucoup parler, est formé en 1978. Et aujourd'hui, ce parti est un parti de référence pour l'ensemble de la mouvance kurde. Il en va de même du Parti démocratique du Kurdistan d'Irak, qui est fondé en 1946, mais qui n'est actif vraiment qu'à partir de 1958. Et ces acteurs qui se forment dans différentes parties du Kurdistan sont obligés, désireux et obligés, d'entrer en contact. Donc de dépasser chaque partie du Kurdistan pour agir dans un espace qui est un espace transkurde ou transfrontalière, un espace kurde qui est transfrontalière. Cela n'est absolument pas évident. Dans les années 60, il n'y a que le Kurdistan d'Irak qui peut devenir une référence. Par la suite, vous avez la guerre entre l'Iran et l'Irak, les conflits entre la Turquie et la Syrie, les conflits entre l'Irak et la Syrie également. Et donc, du coup, chaque État essaye d'utiliser les Kurdes de l'autre côté pour pouvoir exercer de la pression sur l'État adversaire, des pressions sur l'État adversaire. Et cela produit aussi des conflits intra-kurdes, mais graduellement, on va également vers une pacification de cet espace qui reste toujours conflictuel, qui a toujours des conflits internes, mais qui est désormais régulé autour de deux acteurs, le gouvernement kurde irakien et le PKK, qui est l'acteur kurde de Turquie. Ainsi, on voit que graduellement, on assiste à une unification. Et dans cette unification, la kurdicité, donc l'idée de faire partie du Kurdistan, de se battre pour le Kurdistan, est à la fois centrale et en même temps est limitée. Elle est centrale car sans cet attachement au Kurdistan, aucune lutte ne peut avoir de sens. L'histoire kurde ne pourra pas exister. Le passé ne pourra pas être interprété. On ne pourra absolument pas développer une projection de soi dans l'avenir. En gros, la kurdicité, la défense de la kurdicité, l'attachement à la kurdicité interne qui existe dès les années 1920 ou 30 devient central. Et de l'autre côté, la kurdicité doit s'attacher à une idéologie universelle. Et cette idéologie universelle va pouvoir se trouver chaque fois dans un courant donné. Dans les années 1920 et 1930, une toute petite fraction des Kurdes s'associe ou s'identifie à l'islam. Il s'agit de leader de la révolte kurde de 1925, Cheikh Saïd en Turquie, qui dit que les Turcs ont trahi la promesse d'une fraternité kurdo-turque. Et les Turcs ont également trahi l'islam en abolissant le califat en 1924. et que les Kurdes doivent désormais chercher leur propre voie. Et cette voie ne peut être que la voie de l'indépendance, mais en même temps que les Kurdes doivent défendre l'islam comme religion. Il est, Sheikh Saïd, donc en 1925, il est une exception. Dans la plupart d'autres cas, dans les années 1920 ou 1930, le discours des Kurdes est un discours occidentaliste et un discours civilisationniste. Pour les leaders kurdes, les Turcs notamment, mais aussi les autres régimes contre lesquels ils se battent, représentent non pas la civilisation, comme ils le présentent, prétendent, mais la barbarie. Comme vous savez, le discours, notamment en Turquie à l'époque, était de dire « Nous sommes une société civilisée, nous faisons partie de la civilisation occidentale et nous nous battons contre les forces réactionnaires. » Qui sont ces forces réactionnaires? Ces forces réactionnaires sont ceux qui se... Voilà, les Kurdes sont définis comme une ethnie réactionnaire. Et contre ces accusations, le discours kurde insiste sur le fait que c'est la Turquie qui représente la barbarie et que les Kurdes représentent au contraire la civilisation. Il y a une sorte d'inscription de soi dans l'universel en acceptant explicitement la civilisation occidentale et en devenant en quelque sorte les propagateurs, ceux qui diffusent les valeurs de cette civilisation au Moyen-Orient. Dans les années 1950 ou 60, on a une situation cette fois-ci relativement distincte. Cette situation est caractérisée par l'adhésion des Kurdes aux idées de gauche. Les années 1950-60 sont les années 70 même, sont les années où la gauche représente de loin le courant politique le plus important à travers le Moyen-Orient, mais je dirais aussi à travers ce qu'on appelait le tricontinental, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Les jeunes ne comprennent absolument plus ce discours, ce langage, mais c'est vrai que si vous vous placez, les gens de mon âge, oui, si vous vous placez effectivement dans le cadre des années 1950 ou 60, vous parlez de quoi? Vous parlez de la lutte anti-impérialiste, vous parlez de la lutte des peuples opprimés contre les États oppresseurs ou les nations oppresseurs, vous parlez de la lutte des classes, et effectivement, pour les Kurdes, il y a aussi une adhésion extrêmement massive à cette idéologie de gauche. Cette idéologie de gauche permet aux Kurdes de se présenter comme un peuple opprimé. Mais un peuple opprimé qui se bat pour son émancipation, mais une émancipation qui n'est pas uniquement une émancipation nationale, qui est une émancipation aussi du genre humain. Jean Lecam, le politiste français, disait, en interprétant le slogan des Mujahides algériens des années 60, « En nous battant contre vous, nous nous émanciperons et nous vous émanciperons. » Donc Jean Lecam analysait cette phrase et il disait qu'effectivement ce discours de d'émancipation, c'est un discours de double émancipation. Pourquoi un discours de double émancipation? Car la lutte pour l'émancipation signifie pour les Algériens de l'époque ou pour les Kurdes de l'époque de briser la dialectique du maître et de l'esclave, libérer l'esclave, mais libérer aussi le maître de son besoin d'avoir des esclaves.